Continent Science, Stéphane Delisgorges. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. En ouverture de Tous ces rois levez-vous scientifiques toute la semaine, à 14h, toujours en direct de la Maison Ronde, de la Maison de la Radio, et du studio numéro 1. Bonjour à toutes, bonjour à tous. À notre sommaire aujourd'hui, nous allons revenir encore sur les nanotechnologies, les sciences technologiques, les objets, les nanosobjets. Et cela en compagnie de Xavier Guchet qui a écrit un livre qui s'intitule, tout simplement si je puis dire, Philosophie des nanotechnologies. Mais, comme un autre ordinaire que nous allons respecter, la chronique animalière. Pour cette chronique animalière, aujourd'hui, je retiens le caméléon. Le caméléon panthère, alias Furcifer pardalis. C'est un lézard originaire de Madagascar. De nombreux vertébrés sont capables de modifier l'intensité de la couleur de leur peau grâce à la dispersion et l'agrégation de pigments. Dans des cellules de l'épiderme appelées spécialement chromatophores, on comprend pourquoi. Mais seules quelques espèces, dont le caméléon, ont l'apanage de pouvoir véritablement changer de teinte. Les scientifiques ont découvert que les variations de teinte ne sont pas uniquement dépendantes des pigments. Le nouveau processus mis en évidence repose sur le phénomène d'interférence optique. Les chercheurs ont découvert que celui-ci pouvait mobiliser des nanocristaux à géométrie variable contenus dans la peau. Cette peau est constituée de deux épaisses couches de cellules iridescentes appelées iridophores. Ces derniers, ces iridophores, contiennent des pigments. Mais dont la taille peut être modifiée, on peut dire presque à volonté, par le système nerveux. En jouant sur la taille de ces nanocristaux, le caméléon modifie les longueurs d'onde absorbées et peut s'afficher dans des couleurs différentes. Les scientifiques se sont particulièrement intéressés au caméléon panthère mâle adulte parce qu'il a une plus grande surface et celui-ci est capable de passer de couleurs très douces à très vives et cela très rapidement. Il ne modifie pas ses teintes en accumulant ou en dispersant des pigments à l'intérieur de ses cellules photophores comme le font par exemple beaucoup de gastéropodes marins, mais il joue avec les reflets de la lumière sur sa peau, l'effet photo-optique. Le caméléon utilise sa couleur principalement pour communiquer avec ses congénères et afficher clairement son humeur. À tendance séductrice, le caméléon montre des couleurs vives et claires. D'humeur guerrière, il présentera plutôt des teintes sombres. Ces variations reposent sur deux critères, encore une fois, les pigments et la taille de ses cellules iridophores. Chez le caméléon panthère, la deuxième couche de cellules existe en profondeur sous la peau. Cette couche est composée de cellules plus grosses que celles présentes en surface et dont le rôle est de réfléchir la lumière infrarouge cette fois et ainsi de se protéger du soleil. Entre la première couche de nanocristaux plus dense et dédiée à la sélection de la couleur et la deuxième agissant comme filtre solaire, le caméléon dispose d'une peau multifonction, dirons-nous, des plus efficaces. Bonjour Xavier Guchet. Bonjour. Vous tenez au titre de philosophe des sciences, non des techniques. Oui, je tiens au titre de philosophe des techniques. Oui. Alors, première question, la plus large qui soit, qu'est-ce qui vous a dirigé Qu'est-ce qui a dirigé votre attention soutenue pour l'écriture de ce livre qui, je m'empresse de le dire tout de suite, est extrêmement fin et extrêmement nuancé dans son approche conceptuelle, bien qu'on va voir des gros blocs d'enjeux. Ça n'a évidemment rien à voir. Qu'est-ce qui vous a poussé vers... Alors, au-delà des hasards universitaires et des programmes de recherche dans lesquels j'ai été intégré, il s'agit évidemment du point d'aboutissement d'un travail collectif. Au-delà donc de ces hasards universitaires, ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est le fait que les nanotechnologies présentent un terrain d'investigation, d'enquête remarquable pour reformuler un certain nombre de grands problèmes de la philosophie des techniques. Les grands problèmes comme les rapports entre nature et artifice, qu'est-ce qu'un objet technique, comment on construit une connaissance technologique, etc., etc. Quels sont les rapports entre science et technique? Toutes ces grandes questions que, à un moment ou un autre, la philosophie des techniques aborde, et pour les clarifier, sont remaniées, reconfigurées dans les nanotechnologies, et c'est ce qui m'a poussé à m'intéresser de près à ce sujet, en tant que philosophe des techniques, vous l'avez dit. On peut dire aussi qu'à partir de ces considérations, bien évidemment, puisque c'est votre objet direct, les techniques et les nanotechniques en l'occurrence, il y a aussi des considérations de philosophie des sciences de façon permanente aussi, surtout à certains moments, pour caractériser de certaines manières la métaphysique, par exemple, et c'est le mot qui est employé, oui. La métaphysique, ou en tout cas des considérations métaphysiques qu'on peut tenir par rapport à des grandes questions comme la nature du réel, ainsi de suite, et qui sont la nanotechnologie. Donc, est-ce qu'on peut citer quelques objets? Parce que, grosso modo, en général, on dit que c'est un milliardième de mètre, ou pour le faire entendre autrement, un millionième de millimètre, 10 puissance moins 9, grosso modo, c'est la taille d'une molécule. Alors, c'est la taille de petites molécules. Il faut savoir que la question de la définition des nanos, qu'est-ce qui est nano, qu'est-ce qui n'est pas nano, agitait la communauté et des tentatives de définition ont été proposées. On va notamment en voir une définition standard, on y reviendra. Oui. On retient plutôt officiellement, mais ça a été très contesté et c'est très insatisfaisant, l'idée qu'un objet, un nano-objet ou un objet de taille nanométrique est un objet qui est inférieur aux 100 nanomètres dans l'une de ses dimensions. C'est ça. Bon, mais il faudra revenir sur ce sujet dans la discussion puisque, évidemment, ça pose toutes sortes de problèmes liés au développement même, oui, des nanotechnologies. Et au type même de développement. Alors, donner des exemples, bon, il y a une pléthore d'exemples d'applications des nanotechnologies utilisant des objets de la vie quotidienne, de la vie domestique. Prenez ceux que vous... Il y en a un que j'aime bien, c'est le ski. Le ski, il y a toutes sortes d'objets comme ça que nous utilisons au quotidien, enfin au quotidien plus ou moins, s'il s'agit de ski c'est pas forcément au quotidien, mais qui, par exemple les skis sont revêtus d'un film effectivement nanostructuré qui leur donne un certain nombre de propriétés, des réfrigérateurs ou des ustensiles de la vie domestique pour la cuisine sont recouverts également de particules de nano-argent à des fins de stérilisation puisque le nano-argent est un biocide. On pourrait citer comme ça un très grand nombre de ces objets aujourd'hui utilisés dans la vie courante, qui sont recensés, enfin pas tous, puisque c'est sur une base déclaratoire, il faut que les industriels fassent le geste de déclarer cela, recensés par un site américain, le Woodrow Wilson Institute, oui, qui régulièrement met à jour cette liste de produits de la consommation courante, utilisés, vendus, commercialisés aujourd'hui, et qui contiennent des nano-objets. Alors vous dites que moins de 10 ans, il y a eu une augmentation de 40% de la fabrication de ces objets. Alors, enfin, si on se réfère au Woodrow Wilson, c'est beaucoup plus que ça même, puisque c'est une des caractéristiques des nanotechnologies. En 2005, date à laquelle ça a à peu près commencé, enfin l'Institut Woodrow Wilson a à peu près commencé à enregistrer cela, il y avait une cinquantaine de produits. Aujourd'hui, on en est, la dernière fois que j'ai regardé le site, donc c'était l'année dernière au moment de la parution de ce livre, il y en avait plus de 1600. Mais encore une fois, ce n'est pas du tout exhaustif, c'est sur une base déclarative. L'utilisation des nanotechnologies est beaucoup plus vaste que cela. Là, on ne parle d'ailleurs que de produits de consommation courante. Si on va maintenant du côté du médical, par exemple, là, on a une utilisation beaucoup plus importante. Beaucoup plus importante. Voilà, des nanotechnologies. Ouais. Voilà, on pourra en reparler, mais le domaine médical est un des domaines les plus intéressants, à mon avis, d'utilisation, de développement des nanotechnologies. Et en particulier sur, on peut dire un mot tout de suite, en particulier parce que ça permet la délivrance très très vectorisée. L'idéal du médicament, c'est de toucher exactement l'endroit voulu, oui, d'obtenir l'effet et de pas avoir d'effet secondaire. Alors la vectorisation de médicaments, c'est-à-dire effectivement le fait de substituer au métabolisme naturel de l'organisme une métabolisation contrôlée du principe actif, hein, du médicament, en encapsulant le médicament dans une vésicule, alors qu'il peut être beaucoup de choses, hein, dont on va contrôler, designer, comme on dit, la surface, oui, hein, pour qu'elle se lie sélectivement à certains récepteurs cellulaires, par exemple. Ou trompe certains systèmes de défense immunitaire. Voilà, exactement, ou trompe certains systèmes de défense immunitaire. La vectorisation de médicaments est l'un des domaines où les nanotechnologies sont très prometteuses, mais ce n'est pas le seul. Dans les implants biocompatibles, oui, nanostructurés, vous avez aussi des développements extrêmement intéressants. Vous avez des développements extrêmement intéressants en matière de diagnostic, des outils diagnostiques comme des dispositifs de type biopuce nanostructurés qui ont une sensibilité, une spécificité beaucoup plus forte. Voilà. Oui. Donc on a des champs d'application effectivement extrêmement nombreux, divers, dans le domaine médical ou dans d'autres secteurs technologiques. Alors on va changer, on va passer, c'est comme si jusqu'ici on était resté dans l'hémisphère nord, et puis on va passer dans l'hémisphère sud d'un seul coup. Oui. Là on est devant l'énumération, entre guillemets, j'en mets autant qu'il faut, béate, et en tout cas déjà en acte, ou prometteuse de façon intéressante pour soigner cette abomination que est le cancer, par exemple. Mm-hmm. Enfin, ces abominations que sont les cancers. Mm-hmm. Mais on va complètement ouvrir maintenant la vanne de votre regard et de votre perspective. Et d'un seul coup, je peux le dire de la façon brutale, la scénarisation, c'est ainsi que vous l'écrivez, des nanos est un enjeu politique majeur. Et là, on rigole plus, d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous dites que, d'une certaine façon, il y a, dans l'entreprise scientifico-technique des nanos, un revirement en acte très fort, qui est que, d'une certaine manière, la science se subordonne aux méthodes du management, que la science se subordonne à essayer de lancer des scénarios, on va voir tout ça à la suite, pour obtenir ce que vous acceptez, ce que vous désignez comme l'acceptabilité du public par la présentation. Et avec cette dernière remarque, et évidemment je vous pose une question pour commencer, et avec cette dernière remarque que il y aurait peut-être dans les débats publics une espèce de malice d'imposition. Là, on joue le moral, la transparence, la co-adaptation des scientifiques avec le grand public. C'est un peu suspect, tout ça. Et c'est ce que vous analysez finement avec, justement, ce que vous appelez cette philosophie des techniques. Alors, commençons par... Pourquoi est-ce que cette question, pourquoi les scénarios des nanos, ou plutôt la scénarisation des nanos, est un enjeu politique majeur? Alors, d'abord, il faut dire que les nanotechnologies ont été construites comme un grand programme de politique scientifique et technologique. Avant même d'exister comme ces réalités industrielles que nous évoquions tout à l'heure, oui, elles ont existé à travers des rapports officiels, à travers la construction, d'abord aux États-Unis, mais ensuite ailleurs, notamment en Europe, dans les années 90, dès les années 90, d'une grande politique nationale des nanotechnologies. Tout cela s'est construit comme un programme politique, avec pour objectif à l'époque, il y a une littérature sur le sujet, d'essayer de concilier à la fois les intérêts industriels, notamment des industriels de la microélectronique, hein, qui, emportés par la nécessité de miniaturiser, l'objectif de miniaturiser les composants, étaient intéressés évidemment aux nanos, permettant d'apporter des réponses à la difficulté de dépasser, de descendre en taille, de par l'existence de certains phénomènes physiques. Je vous interromps par deux exemples. C'est le modèle Princeps, mais là, il est à finalité guerrière. C'est le programme Manhattan, oui, qui a été donc cette première façon d'organiser... D'organiser façon, politiquement. Politiquement un programme. Une grande politique technique, de recherche. Voilà. Oui, tout à fait. Et puis, ça s'appuie aussi sur cette malice, mais il en a eu d'autres. de Richard Feynman qui disait qu'il y avait beaucoup de machines là-bas en bas. Alors il y a beaucoup de place en bas, effectivement, mais ça faudra revenir parce que ça fait partie des fictions des nanos. C'est ça. C'est de s'inventer des prophètes du passé, des ancêtres. Bon. Mais ça, c'est largement une construction. Hein. Les choses. Bien sûr. Quand bien on sûr. Regarde ça avec un regard d'histoire des sciences, ça s'est passé évidemment. Pardon de vous avoir interrompu. Donc je disais, première exigence, c'est donc répondre à un certain problème, à certains défis industriels, notamment dans le microélectronique. Et l'autre exigence, enfin l'autre intérêt ou préoccupation de cette politique en construction, donc dans les années 90, c'était d'essayer de remobiliser des nations entières, le public, autour d'une forme de conquête, de nouvelles conquêtes, hein, de recréer un enthousiasme, une passion presque pour les sciences et les techniques, qui était un peu en berne dans ces années-là ou à cette époque-là. Donc il y a eu cette collusion entre à la fois des intérêts industriels, donc descendre en taille, miniaturiser l'industrie de la microélectronique, et d'autre part, la mobilisation d'un grand scénario, d'un scénario mobilisateur, qui est celui de la manufacture moléculaire, qui a été imaginé au milieu des années 80 par un ingénieur du MIT, et qui proposait d'aller vers la possibilité de construire techniquement, atome par atome, toute structure que l'on pourrait souhaiter. Donc un grand problème mobilisateur, conjugué avec des intérêts industriels. Bon, voilà, la National Nanotechnology Initiative a été construite sur cette base-là. Il a fallu plusieurs années avant qu'elle soit lancée, donc au début des années 2000. Ça a été construit comme cela. L'Europe a pris le relais. Oui. Il faut ajouter en Europe l'importance, qui a été bien étudiée aussi par une politologue, Isabelle Bruno, l'importance de la conférence de Lisbonne, oui. Avec ce grand programme d'un espace européen de la recherche et d'une société de la connaissance. Les nanotechnologies ont clairement été considéré dès cette époque comme un terrain d'expérimentation pour cette société de la connaissance. Même, oui, voilà, absolument. Exactement. Oui. Donc, et avant même, hein, on disait 2005, une cinquantaine de produits nano, enfin contenant des nanos référencés par le Woodrow Wilson. 2005, on a déjà tous ces rapports officiels des premières années de ces grands programmes. On a déjà un débat public en Grande-Bretagne, le nano-jury. On a déjà des controverses. Sur les dangers potentiels des nanotechnologies. Donc on a une sorte, c'est ça qui est tout à fait particulier, une sorte d'anticipation de la mise en débat, de la mise en politique, ouais, c'est ça. De ce domaine-là avant son existence comme réalité industrielle et commerciale effective. France Culture, Continent Science. Stéphane Delisgeorges. Suite donc de ce rendez-vous avec Xavier Guchet autour de la philosophie des nanotechnologies. Alors il y a, vous le rappelez, il y a évidemment, faut trouver des ancêtres. Il y a une stratégie qui est double, c'est-à-dire qu'il y a une stratégie totalement futurible. Mmh. On va dire grosso modo, il y a peu d'objets nano qui sont présents, relativement peu. Mais alors pour les projets d'avenir, alors là on va tout faire, enfin c'est donc une espèce de grand rêve et des grands scénarios futuristes, futuribles. Et puis aussi, faut dire, l'humanité depuis toujours fait du nano, mais elle l'est fait sans le savoir. Et vous prenez au début de votre ouvrage, Xavier Guchet, la coupe de Lycurge qui est un recul spécial, je vous laisse expliquer. Oui, bah c'est une coupe effectivement magnifique. Qui a été fabriquée au 4e siècle avant Jésus-Christ, oui. Et qui a effectivement la propriété d'être rouge si elle est éclairée de l'intérieur et d'apparaître verte si elle est éclairée de l'extérieur. Oui. Et effectivement, c'est lié aux conditions de recuit du verre, donc à une nanostructuration de ce matériau qui a servi à la fabrication de cette coupe. Alors évidemment, atome d'or, atome d'argent. Voilà, exactement. Alors ce qui est intéressant l'un des points sur lesquels j'insiste dans ce livre, c'est que on présente souvent les nanotechnologies comme, enfin, en insistant sur nano, mais au nano au sens de taille, c'est-à-dire il s'agit de maîtriser quelque chose qui a à voir avec l'espace, alors que politiquement, finalement, c'est la maîtrise du temps. Qui est un enjeu majeur des politiques nanotechnologie, d'où la fabrication à outrance de scénarios du futur, à 5 ans, à 10 ans. Ces scénarios ne sont pas du tout des anticipations ou des descriptions de ce que le futur sera, mais sont des scénarios proactifs qui sont destinés à faire exister un futur désirable. Alors oui. Désirable en fonction de certains enjeux, notamment industriels, à identifier les verrous et à identifier les bons leviers d'action en mobilisant tous les acteurs concernés pour que ces leviers d'action soient actionnés au bon moment. Donc c'est très proactif. Hein. Alors c'est tourné vers le futur, vous l'avez dit, mais aussi vers le passé. Oui. Puisqu'il s'agit effectivement, alors là aussi ça a une fonction tactique, on va dire, de dire d'une part que nous faisons des nanos depuis toujours, la coupe de Licurgue du IVe siècle, les maîtres verriers du Moyen-Âge, et pourquoi s'arrêter à l'histoire humaine ? La vie elle-même, la nature, la vie, sont les meilleurs nanotechnologues que nous connaissions. Oui. La vie, ça opère, ça fonctionne à la nano-échelle et sur la base des effets physiques qui interviennent dans ces dimensions-là, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Donc, quelle est la fonction stratégique de ce discours au passé, de cette fiction, de ce récit fictionnel finalement ? D'une part, c'est de rassurer, parce que si nous faisons des nanos depuis toujours et si la nature elle-même est nanotechnologue, bon, il n'y a pas à s'inquiéter de ce que nous mettons aujourd'hui sur le marché, hein, notamment en termes de toxicologie, d'écotoxicologie, il faut faire attention, mais il n'y a rien de scandaleux à cela. Et puis d'autre part, ça permet malgré tout, parce que ces maîtres verriers, ce fabricant, ces artisans fabricants de la coupe de Licurgue ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Donc aujourd'hui nous sommes conscients, donc ça ouvre une perspective de progrès pour la connaissance scientifique, pour l'innovation technologique, ça nous installe dans une révolution permanente. Donc c'est à la fois le discours de la révolution permanente et celui de « nous faisons du nano depuis toujours » et « la nature est nanotechnologue depuis toujours ». Donc c'est sur ce double registre, finalement, que s'est construite cette fiction cette fiction au passé de la nanotechnologie. Vous dites, Xavier Guchet, qu'il y a aussi une situation donc curieuse, qui a été mise à jour en particulier, et vous appuyez là-dessus sur ce qu'on appelle Science and Technology Studies, STS, dont vous pratiquez, pour partie certaines méthodologies en tout cas. Hein. Oui, alors le fait fait d'aller regarder dans les laboratoires, le fait de regarder quels sont les instruments utilisés, quels sont les objets étudiés, comment s'organise la recherche. Bon, il n'y a pas que les STS qui font bien ça, sûr. Mais bien évidemment, STS, donc un ensemble de recherches, un courant né dans les années 70, est destiné à transformer complètement notre idée de la science, hein, à faire descendre de son piédestal et en faire une pratique qu'il faut regarder avec les outils de la sociologie des sciences. Bon, ça a largement irrigué d'autres disciplines comme la philosophie des sciences, comme bien la sûr, philosophie bien des sûr. Techniques, et c'est vrai que pour nous, philosophes des techniques, c'est très utile. Donc, alors, on est devant une situation, je vais utiliser un tout autre vocabulaire, mais en tout cas, c'est un petit peu le modèle aussi, et surtout plus on va vers le biomédical, où, évidemment, on peut le déplorer, on peut en être content, certains positivistes peuvent se réjouir de la chose, ou certains politiques, mais on voit qu'avec ces grands programmes, il y a une situation qui est d'ordre général maintenant, c'est-à-dire que de plus en plus, on peut le dire comme ça, la science est plutôt dirigée par l'aval, qui regarde ce qui peut être fait à l'amont, l'amont étant grosso modo la science académique classique, comprendre en tout cas les mécanismes fins de nature. Alors que quand on a bien vu là que maintenant il y a une liaison forte entre les personnels décideurs de politique scientifique, les industriels, et là on se trouve avec, nous avons besoin des nanos dans tel et tel sens, là ça nous arrangerait bien, alors au boulot. Alors oui, c'est un point essentiel, c'est-à-dire que les nanotechnologies ont été un terrain d'expérimentation, encore une fois, notamment en Europe, pour la mise en place de cet espace européen de la recherche, qui est totalement structuré par des feuilles de route, par la construction de scénarios, par l'identification de finalités orientant les grands programmes de recherche, par l'évaluation comparative des performances entre les différents clusters intégrant à la fois de la recherche, de l'enseignement, de l'innovation technologique, de l'industrie. Donc tout ça a dessiné dans les 15-20 dernières années un paysage de la recherche profondément transformé, et les nanos ont été un terrain d'expérimentation de cela, de cette science effectivement finalisée. Alors concrètement, qu'est-ce que ça finalisé par par les décideurs de la politique scientifique et technologique, dans des feuilles de route, etc. Alors concrètement, ça se traduit comment pour les scientifiques dans leur laboratoire? Bien par le fait que les crédits récurrents des laboratoires sont de moins en moins importants. Aujourd'hui, la recherche est financée essentiellement sur appel à projets, sur des projets de 3, voire de 4 ans, ce qui évidemment inscrit les chercheurs dans une temporalité beaucoup plus courte. le cas échéant, en tout cas qui n'était pas celle dans laquelle ils pouvaient se projeter lorsque les laboratoires étaient financés sur crédit récurrent, c'est-à-dire sur des dotations annuelles c'est et ça. Assurées d'une année sur l'autre. Et est-ce qu'on peut dire que c'est une autre figure du management d'ailleurs ça? Alors oui, on peut dire en tout cas que le chef de labo devient le directeur manager. Le directeur de laboratoire et sans forcément perdre évidemment son travail à la paillasse, mais enfin est quelqu'un qui aujourd'hui a essentiellement pour fonction d'encadrer des équipes, des projets de recherche, de rechercher des financements, de construire des projets et de les soumettre dans des appels à projets. En France en particulier, nous sommes extrêmement actifs sur ce plan-là, si je peux dire, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Et on voit des équipes déposer chaque année des dizaines de projets de recherche et en espérant que quelques-uns seront financés et permettront au laboratoire de continuer. Donc oui, c'est une recherche managée, si on veut employer cet anglicisme assez laid, mais qui décrit bien la situation. Alors, est-ce que il y a quand même une dimension cognitive? Parce que, d'abord, il faut observer, dans le cas du caméléon, bon, il fallait être informé de microstructures. Et on a regardé, on s'est dit, tiens, la nature. Donc, par exemple, là, il y a une amorce de biomimétisme, bien évidemment, hein, qui est un des grands axes de ces biotechnos. Mais, donc, voilà. Est-ce qu'il y a... cette façon de faire. Voilà, alors parler de science managée, de science dominée par ce que vous appelez l'aval, justement, oui. Ne signifie pas qu'on est passé complètement de la science fondamentale à la science appliquée. Il y a bien, au sens d'une science au service de l'industrie, et bon. Il y a indéniablement des ambitions cognitives, des ambitions de connaissance, dans les laboratoires qui aujourd'hui se réclament de ce label nano. J'en donne un certain nombre d'exemples. Oui. Et en particulier, nous avons regardé avec quelques collègues un domaine en plein essor et passionnant, celui des machines moléculaires artificielles, donc qui est extrêmement hétérogène. Mais on pourrait penser que puisqu'il est question de machines, il est question d'application, hein, vraiment de cette science dominée par les finalités applicatives. Or, quand on va dans les laboratoires, qu'on regarde un petit peu ce que sont ces machines moléculaires artificielles, eh bien, on se rend compte que les chercheurs sont avant tout animés par une ambition de connaissance. Là, vous pensez, par exemple, à ceux qui travaillent là-dessus dans le cadre du LAS. Alors, dans le cadre, oui, dans le cadre du LAS, dans le cadre du CMS, dans le cadre de ce qui s'appelait avant le LPPM, le laboratoire de photophysique moléculaire, qui a changé de nom. Dans d'autres laboratoires également, plutôt de chimistes, à Strasbourg par exemple. Donc ces gens-là convergeaient dans leurs témoignages vers l'idée que la mise en œuvre de ces nanomachines, donc sur surface métallique, permet d'apporter des connaissances nouvelles. Donc on est très loin des finalités applicatives finalement, puisque ces machines moléculaires n'ont pas, pour l'essentiel, de débouchés applicatifs ou de débouchés industriels. On est sur des temporalités beaucoup plus longues. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir cette science qui ne fonctionne plus par formulation d'une hypothèse, construction d'une expérimentation pour vérifier l'hypothèse ou l'invalider, etc., mais qui construit des dispositifs, qui les regarde fonctionner et qui en tire un certain nombre d'enseignements. Oui. Donc là, on est dans le cognitif. Bon, on est dans une science technologique, c'est-à-dire une science qui produit son savoir et ses modèles, enfin, qui fait fonctionner des modèles épistémiques de production de connaissances, qui sont extrêmement liés à la capacité à fonctionnaliser des dispositifs techniques à la nanoéchelle. On peut peut-être donner tout de suite la description de l'instrument majeur, hein, qui est le microscope. À effet tunnel, je crois qu'on peut assez rapidement faire image pour les auditeurs. Il s'agit donc d'une aiguille extraordinairement fine qui va avoir la malice. Donc évidemment, quand elle s'approche de la matière... Allez, je vous laisse expliquer. Alors, bon, effectivement, c'est un instrument emblématique bien sûr. Des nanotechnologies. Bon, il faut savoir que... Je regarde les atomes. Alors il faut savoir que les nanotechnologies ne se réduisent pas à la mise en œuvre de cet instrument. Bien sûr. Il y a énormément de recherches dans ce domaine qui n'utilisent absolument pas le microscope à effet tunnel. Microscope à effet tunnel, par ailleurs, qui est l'exemple phare de tout un ensemble de microscopes qu'on appelle les microscopes en champ proche, mais qui n'exploitent, certains microscopes peuvent exploiter d'autres phénomènes que l'effet tunnel, d'autres phénomènes physiques, par exemple des forces de surface, hein, pour le microscope à force atomique. Bon, on a toute une gamme de microscopes, effectivement, qui peuvent être utilisés dans les nanotechnologies. Alors, au départ, c'était pas le microscope à effet tunnel n'était pas un microscope conçu dans le but de développer les nanotechnologies. C'est tout à fait différent. Effet tunnel, c'est une des caractéristiques de l'étrangeté, de la matière au niveau quantique qui... Oui, c'est quand on approche une pointe métallique d'une surface métallique, et qu'on, donc dans le vide, dans l'ultra-vide même, oui. Quand on fait passer un courant par la pointe, enfin, normalement le courant ne passe pas puisqu'on est dans le vide. Et pourtant, il y a un courant voilà. très faible, le courant voilà. tunnel, donc qui est un effet bien connu des physiciens depuis longtemps, hein, depuis je crois les années 50. Oui. Donc ça n'a pas été une découverte scientifique, mais c'est l'exploitation de cet effet tunnel pour cartographier des surfaces métalliques et donc les objets qui sont absorbés sur ces surfaces avec une résolution atomique. Donc avec une résolution atomique, et en particulier ça devient des pinces, et en particulier aussi avec un certain type de photogravure, il y a cette descente dans l'infiniment petit qui se joue en particulier dans la microélectronique, hein, puisque oui. là évidemment c'est totalement nano et la loi de Moore est absolument respectée, et on descend de plus en plus dans la concentration de puissance. Oui, alors ce qui est intéressant avec le microscope à effet tunnel, d'une part, c'est qu'effectivement on peut imager en exploitant un phénomène physique autre que la lumière, hein, donc on ne voit pas à proprement parler les atomes, mais enfin on image des atomes déposés sur des surfaces métalliques, mais on peut agir aussi sur ces atomes ou sur ces nano-objets, ou on peut agir par le biais de forces électrostatiques, hein, c'est-à-dire qu'on image et en même temps on agit. En fait, on image une action sur ces objets. À cette échelle, par le biais de cet instrument, c'est finalement la distinction entre le voir et l'agir, le percevoir et l'agir qui devient caduque, et c'est finalement la même chose. En tout cas, c'est indissociable. Et ça, vous l'expliquez avec beaucoup de subtilité, évidemment, et que c'est l'exercice de la lecture lente de votre ouvrage, parce qu'on peut pas simplifier. On est, d'une certaine manière, autrement, on va arriver à des généralités qui seront vides. Donc, c'est pour simplement caractériser votre ouvrage, ou ce que vous dites là de façon condensée et résumée pour l'exercice de didactisme radiophonique, c'est évidemment lentement analysé. Et le boulot est fait, si je puis me permettre. Oui, et je dirais que alors, d'un point de vue philosophique, épistémologique en l'occurrence, oui. ça amène à redéfinir ce que signifie voir, ce que c'est qu'une image. Dès lors qu'on ne sépare plus imager et agir sur, qu'est-ce que ça implique en termes de rapport à la matière, et voilà. Donc ce sont des questions effectivement que j'aborde. Dans oui, est-ce que c'est, par exemple, question classique, est-ce qu'on peut être réaliste, est-ce que on est face à une réalité avec des objets bien concrets, ce qui est la position standard et très rapidement dit de ceux qui sont sur cette position, ou au contraire, et là vous prenez l'exemple d'un philosophe français qui est Bachelard, donc qui parle de phénoménaux-objets, hein, qui sont, pour aller vite, des sortes d'artefacts noumènes qui font que c'est construit. Alors, voilà. oui, c'est alors, pas dans la nature, comme ça. Voilà, alors si ce n'est que Bachelard considérait donc la phénoménotechnique, c'est la fabrication du phénomène scientifique oui. par la mise en œuvre des instruments qui oui. sont des théories matérialisées. Oui. Ce qui n'est pas tout à fait le... Oui. On est sur une autre articulation, un autre type d'articulation, comme je disais tout à l'heure, entre science et technologie. Hein, c'est vraiment mettre au travail, fonctionnaliser des molécules, des atomes, en vue de fabriquer des dispositifs techniques qui n'ont pas de finalité industrielle, applicative, immédiate, et pour en tirer des connaissances. Hein, des connaissances ou bien ce qu'on appelle des preuves de concept en matière d'agir technique à la nanoéchelle. Ça, c'est ce qu'explique très bien un philosophe allemand qui s'appelle Alfred Nordmann. C'est que les nanotechnologies ne répondent plus au concept de science fondamentale, hein, hypothèse, expérimentation pour vérifier, infirmer l'hypothèse. Mais c'est pas non plus de la science appliquée. Oui. C'est de la preuve de concept. Est-ce que je peux mettre en place un protocole technologique opératoire à cette échelle qui va marcher et qui pourra ensuite être décliné en toutes sortes d'applications. Preuve de concept, preuve de schéma, voilà. Preuve de fonction. Voilà, exactement. Donc on est sur quelque chose qui est déjà plus que ce que décrivait Bachelard au titre de la phénoménotechnique. Un peu tout à fait. Voilà. Eh bien voilà, passé le mi-temps de ce rendez-vous de Continent Science dévolu aux nanotechnologies et à leur philosophie, ou la philosophie que l'on peut en tirer pour les comprendre, les interpréter, les analyser. Et tout ça avec une pause sur une sonate de Scarlatti, interprétée par Alexandre Tarot, qui, si je ne me trompe pas, jeta son piano dans un lac. Alors, on va regarder un tout autre aspect, évidemment, maintenant, Xavier Guchet, c'est... Revenons donc à ces scénarios. Donc, grosso modo, je vais dire dans mes mots, il y a d'un seul coup une volonté, dans ces grands programmes, de co-construire, ça c'est un nouveau mot, mais de co-construire une acceptation, la volonté, et une acceptation par le public, par la société, de tels projets. Celui, par exemple, encore une fois, dans ce cas précis qui nous occupe, d'avoir une industrie des nanotechnologies, des nanosobjets. Et là, le paysage est contrasté. En particulier, si on va au fait directement, bon, il y a une commission de débat national, ça c'est maintenant acquis, où d'un seul coup, les savants viennent parler aux ignorants, les ignorants posent des questions aux savants, les savants peuvent peut-être apprendre quelque chose, et tout ça, un beau jour, il y a évidemment un énorme pôle à Grenoble concernant les biotechnologies, et là, dans une très mauvaise préparation, c'est mon commentaire personnel, est établi un débat public. Et c'est un fiasco total, en particulier par l'action d'un groupe ludiste, pièces et main d'œuvre, qui empêche absolument les choses de se tenir. Je crois que c'est assez emblématique, parce que, reprenons les choses depuis le début, quelle est cette volonté qu'a la politique, les responsables des politiques scientifiques, de vouloir trouver comme des complices de leurs initiatives, ou persuader la société, les membres de la société, d'être en faveur des biotechnologies. Alors, bien sûr, on regarde l'éthique, bien sûr, on regarde l'environnement. Si on regarde l'environnement, c'est déjà une totale catastrophe, mais enfin bon. Alors, il faut revenir à un petit point d'histoire. Oui. Puisque l'implication, disons, des sciences humaines et sociales, et la prise en compte de ces enjeux que vous évoquez, sociétaux, éthiques et sociétaux, oui, comme on dit, remonte... au moins au milieu des années 90, au début des années 90, avec le programme Génome Humain. Ou dans les programmes, en tout cas aux États-Unis, dans les programmes, le programme Génome Humain, ces questions-là ont été prises en compte par des programmes, par des financements, par des budgets dédiés. Bon, ça s'est clairement intensifié avec les nanotechnologies, puisque dès le début, dans ces grandes initiatives et leur rapport officiel, au début des années 2000, il est clairement indiqué que les questions, les enjeux éthiques et sociétaux devront être appréhendée, traitée, prise en compte pour rassurer le public. Alors, pourquoi ? Deux explications ont été données de cela. La première, c'est qu'il faut éviter avec les nanos ce qui s'est passé avec les OGM, en particulier dans un contexte français, de rejet des OGM. Bon, depuis, on est revenu sur cet argument qui est relativement faible, parce que c'est pas du tout évident que les OGM aient été refusés. Comme on l'a dit, il y a même des travaux qui montrent le contraire. Mais enfin, ça a été un des arguments. Le deuxième argument, et je crois que c'est le plus important, c'est que dans ce contexte d'une science pilotée, je disais managée, mais une science pilotée, oui, sur la base de feuilles de route, il est bien évident qu'il s'agit d'anticiper au maximum pour les succès, pour s'assurer les succès industriels, de la réceptivité des consommateurs, des citoyens, à l'égard de ce qui va être mis sur le marché, à l'égard des recherches qui doivent conduire à des produits de consommation. Donc c'est ce problème de l'anticipation qui, je pense, justifie qu'on intègre dans les programmes de recherche qui, alors, l'éthicien, le sociologue, l'anthropologue, bref, celui qui va être l'expert de cette société civile, de cette masse humaine que l'on ne comprend pas, qui paraît déraisonnable, voire irrationnelle. Mais il s'agit d'anticiper sur la réaction de cette masse, de cette société civile mal comprise, pour s'assurer le succès industriel. C'est ça. Alors, vous dites, je vous interromps un instant, ne perdez pas votre fil, Xavier Guget, vous dites d'ailleurs que ça s'est produit à toutes les grandes révolutions industrielles, et vous rappelez l'historique, là j'ai appris plein de choses, mais de ce rejet en particulier, fin 19e, début 20e. Alors ça c'est le travail de l'historien Jean-Baptiste Passoz, voilà, sur lequel je m'appuie. Qui montre qu'il y a eu des résistances, quoi, des inquiétudes. Oui, alors, les trains vont brûler dans les tunnels. Oui, sur donc c'est intéressant, et sans perdre le fil effectivement, de revenir là-dessus, ce que montre Fressoz, c'est que la mise en débat public donc des sciences et des techniques, et notamment dans le contexte de nanotechnologie, n'est pas nouvelle. Elle est ancienne, et effectivement, au XIXe siècle, tout cela était très controversé. Il y avait des controverses. Fressoz dit, c'est pas ça le problème, c'est pas de susciter la controverse. Le vrai enjeu, c'est de faire en sorte que ces débats, ces controverses, ne soient pas écrasés par des stratégies ou des tactiques mise en œuvre par certains acteurs de la politique industrielle, de la politique scientifique, visant à imposer l'idée qu'il y a des trajectoires technologiques, à naturaliser ces trajectoires et à clore l'espace justement du débat. Il y a des controverses, mais finalement on convainc tout le monde qu'il y a quand même des tendances lourdes, il y a quand même des trajectoires technologiques plus ou moins naturalisées. C'est le progrès, etc. Donc c'est ça le véritable enjeu. Ça ne suffit pas de dire on va créer des espaces de débat public. Évidemment, ça fait écho directement à ce qu'on a vu dans les nanos. Ça ne suffit pas de mettre en œuvre des débats publics, de créer des arènes pour cela. Il faut encore instrumenter la critique, en quelque sorte, outiller la critique, visant à déjouer, à détourner, à mettre au jour ces tactiques de naturalisation des trajectoires technologiques. Alors ça, c'est le joli nom pour dire quand même que c'est une malice managériale plus étendue d'une certaine façon. C'est-à-dire, allez, on va bien vous expliquer, pour vous calmer, ne pas vous effrayer, que c'est très bien les nanos dans toutes circonstances. Alors, voilà, donc on arrive au point crucial qui est qu'à partir du moment où on a cette représentation-là de la société, irrationnelle, etc., les mots d'ordre, c'est quoi ? C'est, il faut rassurer. Il faut d'abord bien identifier quelles sont les peurs du public, quelles sont les perceptions du public, quelles sont les attentes du public, et puis mettre en œuvre une campagne de communication, d'information à destination de ce public, alors qu'il peut être soit un public conçu comme ignorant et qu'il faut informer, selon un modèle très classique qu'on appelle le modèle du déficit. Hein, c'est par un déficit de connaissances que le public réagit comme il réagit, donc il faut dans ses peurs, voilà, dans il faut informer. Craintes. C'est un modèle très descendant, très hiérarchique, très voilà. Donc il faut, soit ce public est un public de consommateurs, qu'il faut rassurer sur les produits qu'il consomme, mais c'est aussi un public de citoyens qui veut quand même être informé des enjeux éthiques, par exemple, concernant les manipulations du vivant, concernant, etc. Voilà, donc on a tout un dispositif d'engagement du public, mais qui repose beaucoup moins sur ce que vous appeliez la co-construction, alors que le mot n'est pas de moi, c'est un mot extrêmement répandu. Hein. La co-construction, c'est-à-dire véritablement la construction collective à la fois des normes à mettre en œuvre pour encadrer le développement des nanotechnologies, mais aussi la construction à plusieurs des orientations de la recherche, des choix en matière d'investissement technologique, scientifique, etc. Donc on n'est pas vraiment sur ce modèle-là qui avait été annoncé. On est sur un modèle qui est beaucoup plus celui de l'adaptation. C'est ça. Effectivement, qui n'est pas la co-construction, puisque l'adaptation signifie qu'il y a bien des tendances lourdes, ces trajectoires dont on parlait et dont on parle de Fressoz, mais qu'il faut malgré tout que les acteurs de la politique scientifique, les acteurs de la politique industrielle, de la politique technologique, prennent en compte la réalité de cette société civile et essayent un tant soit peu d'adapter les programmes aux attentes du public, à c'est la perception. Voilà. Retenons que co-construction a une dimension plutôt positive, d'ailleurs, hein, du point de vue d'une bonne politique, d'une politique citoyenne. Juste un mot, si je peux me permettre, pour être tous très les clair. Mots que, tous les mots, pour être très clair, ces idées de perception du public, d'attente du public, sont largement des constructions. Oui, c'est ça. Qu'on me montre ce qu'est l'attente d'un public, qu'on me montre ce qu'est la perception du public. Voilà. Donc, tout cela, effectivement, participe d'un dispositif d'engagement du public, mais qui est avant tout motivé par la nécessité d'anticiper à des fins de succès industriel. France Culture, Continent Science. Stéphane Delisgeorges. Simplement, petite remarque de vocabulaire. Une construction, ça veut dire que c'est là vraiment quelque chose qui est de l'ordre du social, hein. Oui. C'est-à-dire que c'est évidemment pas fondé en nature, c'est oui. Dans ce sens-là que vous parlez de construction. Oui, hein. C'est du politique, c'est du social et du politique. Et du politique. Et qui réclame sans doute des arènes dédiées pour cela. Oui. C'est très important de parler de construction parce que ça met un terme à une distinction qui est extrêmement commode, mais qui est extrêmement faible aussi, sur laquelle on s'appuie souvent, notamment dans ce modèle du déficit dont on parlait tout à l'heure, c'est la distinction entre les faits et les valeurs. C'est ça. Les faits scientifiques, attendons que les scientifiques aient établi des faits, pour ensuite discuter de nos valeurs, de ce que nous voulons, des orientations que nous voulons donner à nos sociétés. Bon. L'idée de co-construction a le mérite de faire voler en éclats cette distinction, en disant, d'une part, que les faits ne sont pas donnés, les faits sont faits, mais ça on le sait depuis longtemps, grâce justement notamment au courant STS, et les valeurs évidemment doivent être collectivement débattues en fonction des conflits qui peuvent émerger. Hein. Discuter des valeurs, c'est faire émerger des conflits de valeurs. On n'est pas forcément d'accord sur ce qu'est le bien, ce qu'est le juste, ce qu'il convient de faire pour nos sociétés. Donc tout cela, et les faits et les valeurs, doivent faire l'objet effectivement d'une co-construction, en tout cas d'une délibération, faisant émerger, orienté vers la fabrication collective des normes. Oui. Alors mes questions évidemment ne sont pas systématiques, hein, elles sont sinueuses, comme tout cheminement dans une conversation à deux. Quel est le rapport, ou pourquoi y a-t-il une telle majoration des nanotechnologies dans ne serait-ce que le sigle des transhumanistes, hein, puisqu'il y a évidemment l'intelligence artificielle, les sciences cognitives, les nanos. Oui, alors, bon, on est sur ce registre-là dans une économie de la promesse. L'homme immortel, alors, l'augmenté, oui, enhancement alors, en anglais. Bon, alors, dans le livre, je minore oui. ce thème qui a été effectivement très important au début, donc au tout début des années 2000, en particulier au travers d'un grand colloque et d'un rapport très connu qui a été commis suite à ce colloque sur la fameuse convergence la fameuse convergence des nanotechnologies, donc des sciences de la matière pour dire vite, des biotechnologies, des technologies de l'information, tout cela étant chapeauté par les sciences cognitives. C'est ça. Et un jour, bingo, la singularité va arriver. Voilà, à des fins d'amélioration des performances humaines, des capacités, enfin des réalisations humaines. C'était le titre d'un rapport. Hein. Bon. Donc tout cela a été très structurant au début et a contribué très largement à structurer les premiers débats. La première façon dont les nanotechnologies ont été mises en société. Est-ce que ça va pas être dangereux? Qu'est-ce que signifie le transhumain? Est-ce que nous avons envie d'aller vers ça, etc. 10 ans après, 15 ans après, ce thème, qui n'a pas disparu, hein, bien évidemment, mais est quand même passé au second plan dans la littérature et les discussions sur les nanotechnologies, hein, j'entends. Au second plan, au profit de questions beaucoup plus actuelles, beaucoup plus centrées sur les recherches elles-mêmes, sur leurs enjeux dans les laboratoires, etc. Donc on est passé à une approche plus pragmatiste, en quelque sorte, hein, c'est oui. Ce que j'explique, avec une mise au second plan de ces questions liées à l'augmentation de l'humain. Et d'ailleurs, l'un des artisans de la National Nanotechnology Initiative, qui est aussi un transhumaniste, a fait le bilan donc de l'initiative américaine 10 ans après sa mise en œuvre, donc en 2010. Et on voit que dans la nouvelle version qu'il donne de ce grand programme et de ce grand scénario pour le futur, oui. Le transhumanisme, enfin l'amélioration en tout cas des performances, a complètement disparu. Donc même au niveau de la politique scientifique, si vous voulez, c'est un thème qui était très structurant, très important au départ et qui est passé au second plan. Donc je serais d'avis justement pour recentrer le débat, l'analyse sur les enjeux extrêmement contemporains et casser un peu cette démarche de futurisation en permanence des enjeux, avec d'autres collègues, de revenir vraiment aux enjeux du présent. Revenons au panorama, vous dites sous cette question, mais de quoi nano est-il le nom? Oui. Plusieurs fois. Oui. Alors en particulier dans les définitions, ça vient d'ailleurs d'un physicien et pas d'un chimiste, puisque grosso modo sont mobilisés et physiciens et chimistes hein, dans ces affaires, et biologistes. Oui. On doit constater que le paysage est ou la cartographie, si on voulait en faire une, est terrible parce que c'est complètement dispersé. Oui. Il y a pas d'unité. Oui. On peut dire bon, il y a beaucoup de nanos qui ont comme point d'accroche, point de départ, le biomimétisme. Mais on va faire mieux que la nature est très maligne, très économique. Tout ce temps d'évolution qui a été très très long lui a permis de faire des machines absolument extraordinaires, des ultra petites machines. Mm-hmm. Bon, et il y a un panorama infaisable, et même dans les définitions, puisque encore, je reviens là-dessus, si on prenait 5 spécialistes dans des domaines différents et dans des disciplines différentes, ils n'arriveraient absolument pas à trouver une dénomination commune. Oui, oui. D'ailleurs, ce problème de savoir qu'est-ce qui définit les nanos, d'en trouver une définition univoque, a préoccupé beaucoup de monde au début et ne préoccupe plus grand monde aujourd'hui. On s'en tient dans les rapports à des définitions extrêmement conventionnelles, mais qui ne satisfont personne et qui ne sont plus véritablement un enjeu. Alors au début, qu'est-ce qui s'est passé? Au début, effectivement, il s'est agi d'identifier ces nanotechnologies, en sachant que c'est pas une nouvelle science, c'est pas un nouveau secteur de la recherche technologique ou de la recherche, enfin ou de l'industrie, de la recherche et développement, puisque tous les secteurs industriels à la limite sont concernés. Donc on n'est pas comme dans la biologie de synthèse depuis quelques années, qui est véritablement un domaine qui cherche à s'institutionnaliser comme tel, à se structurer de façon autonome, avec des revues, etc. Les nanos, c'est totalement transversal. Oui, c'est ça. Donc comment, de quoi parle-t-on? Alors il y a une définition qui a été proposée, donc je ne fais que revenir sur des choses bien connues dans ce livre, une définition purement nominaliste par l'échelle, donc nano, ce qui est inférieur à 100 nanomètres. Bon alors Christian Joachim, physicien, va mettre de la politique là-dedans, dans cette définition, en disant que si ces 100 nanomètres qui ont été retenus pour définir nano, c'est pour des questions industrielles, c'est parce que c'est ça qui intéressait les industriels de la microélectronique. Bon. Mais qu'en réalité, au-delà de ces fameux 100 nanomètres, à 300 ou 400 nanomètres, vous avez des agrégats donc qui échappent à la définition officielle, mais qui ont des propriétés tout à fait nouvelles, voire inquiétantes en termes de toxicologie. Donc voilà, il n'y a aucune raison physique, physico-chimique, scientifique de s'arrêter à ça. Alors, il y a d'autres définitions. Vous avez dit nominaliste, simplement pour que les gens comprennent. Oui, c'est-à-dire un terme qui a été employé par l'un. Bon, il y a l'arbitraire d'une désignation purement humaine qui ne cherche pas à trouver un correspondant exact dans la réalité. Exactement. Bon. Donc, des définitions par les buts futurs, on en parlait. D'accord. Par cette scénarisation. On a rapidement évoqué ce qu'on pouvait en penser. Et puis, il y a des gens qui, dès le départ, ont dit. Bon, finalement, c'est un agrégat de disciplines extrêmement diverses qui ont depuis très longtemps un rapport à la nanoéchelle. La chimie fait du nano depuis toujours, d'une certaine manière. La science des matériaux, l'électronique moléculaire, c'est une discipline qui s'est développée, enfin qui s'est constituée dans les années 60, 70. Bon. Donc on a affaire à de la dispersion. Dispersion dans les disciplines mobilisées, dispersion dans les modèles épistémologiques, dans la conception de ce que c'est l'échelle nano. Pour un physicien, ça va être titiller de la molécule isolée, par exemple, si on est Christian Joachim, si on est d'autres qui font de ce type de recherche, si on est en sciences des matériaux, voilà. Avec le temps qui nous reste, je suis obligé de vous, parce que je voudrais avoir votre sentiment là-dessus. Évidemment, il y a, pour aller très vite, Bruxelles, enfin la Commission européenne a dit maintenant, on va faire un décret, par décret, une obligation d'analyser les produits chimiques. Bien. Et j'ai oublié son nom, que ça s'appelle là. Bon, peu importe. Alors, il y a une convention sur les produits chimiques, la convention REACH. Voilà, c'est ça. C'est la réglementation, convention, la réglementation REACH. Est-ce qu'il faudrait l'analogue pour les nanos? Alors ça, c'est un grand débat qui n'est pas clos. Alors, la réglementation a évolué à l'échelle européenne et donc en France également, qui fait obligation maintenant, une obligation de déclaration aux industriels qui importent, commercialisent. Pour les nanos. Pour les nanos. Bon. D'accord. Donc, mais effectivement, REACH. Il y a beaucoup de critiques encore sur REACH, c'est-à-dire sur cette réglementation concernant les substances chimiques. En deux mots, le débat. On a fait une émission entière là-dessus. Oui. Ouais, d'accord. Bon. Non, simplement ultime malice. C'était de comparer donc les molécules et les atomes. En tout cas, c'était Continent Science, le voilà à son terme. Merci bien sûr de votre attention et de votre fidélité. Vos remarques et vos critiques sont les bienvenues. Aujourd'hui à la technique, Alexandre Dang. Pour la documentation, Thierry Beauchamp. La réalisation, Dany Journeau. Stéphane Denis-Georges, Continent Science est balado diffusé. Vous avez ainsi la possibilité de télécharger cette émission le temps d'une grande année, de l'écouter 1000 jours.